aujourd'hui dans l'affaire sensible l'élection présidentielle de 1969. Il y a 55 ans, le général de Gaulle décidait de confier aux Français une mission des plus importantes, élire le président de la République. Après avoir tranché la gorge du roi, le peuple a désormais le pouvoir de choisir qui mettre à la tête de son pays. Une mission de confiance que les électeurs ont vite prise à cœur. L'élection présidentielle est devenue un rituel démocratique qui passionne les Français depuis 1962. Un rituel mais aussi un feuilleton haletant où rien ne se passe comme prévu. Parfois dramatique, toujours surprenant, il raconte trahisons et connexions, revirements et déconvenus. L'avenir de la France et celui de la politique s'y jouent désormais tous les 5 ans. Voici donc juin 69. À cette époque, on se pose la question suivante. La 5e République mourra-t-elle avec son créateur, Charles de Gaulle? François Mitterrand survivra-t-il à la tempête de mai 68? Georges Pompidou trahira-t-il le général, son mentor politique? La droite parviendra-t-elle à s'ouvrir et la gauche à s'unir? Retour donc sur une élection oubliée, pourtant fondatrice à bien des égards, car elle marque la fin d'une époque et pose les bases d'un système politique qui est encore celui d'aujourd'hui. Pour en parler après le récit, nous recevrons Christian Delporte, historien, spécialiste de l'histoire politique du XXe siècle, directeur de la revue Le Temps des médias. Il a consacré plusieurs ouvrages au rôle de l'image, notamment, et de la communication en politique. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, avec l'appui des documentalistes de Radio France, attaché de production Valérie Priolézard, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Loïc Frapsos. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mai 68, dans la rue, les manifestants scandent « 10 ans, ça suffit » comme un avertissement au chef de l'État, le général de Gaulle. Mouvement étudiant, barricade, grève générale, lassitude des Français prend forme, violemment, et l'État vacille. En 1965, déjà, le général de Gaulle a été prévenu. Les Français veulent autre chose, ils l'ont montré par les urnes en hissant François Mitterrand au second tour de la présidentielle. Le candidat de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, qui rassemble socialistes et communistes, mais alors le président sortant en ballotage. Stupeur à droite et camouflé pour l'homme du 18 juin, le père de la 5e République. François Mitterrand, lui, prend confiance, un peu trop vite sans doute. Alors que mai 68 ébranle le pays, il tente de récupérer le mouvement à son avantage. Le 28 mai, il annonce sa candidature à la présidence de la République au cas où le général de Gaulle démissionnerait. Il se présente comme un recours, l'homme providentiel. En d'autres termes, je suis disponible. Bah oui, on s'en fiche. L'opinion et la gauche, qui n'a pas été concertée, ne soutiennent pas cette candidature précipitée. Et la crise sociale devient crise politique, d'autant plus que le chef de l'État disparaît le 29 mai. Pendant quelques heures, ses collaborateurs ne savent pas où il est. Quand il revient d'Allemagne, où il est allé en fait chercher conseil auprès du général Massu, Georges Pompidou, son premier ministre, le convainc de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser des élections anticipées. Le chef du gouvernement, qui vient de signer les accords de Grenelle, met fin ainsi à la crise de mai 68. Les élections législatives anticipées de juin offrent à l'UDR, le parti gaulliste, une majorité écrasante. La plus forte majorité parlementaire jamais accordée en France. Ouf, Charles de Gaulle peut dormir sur ses deux oreilles, le gaullisme n'est pas mort écrasé par les pavés. Pour autant, le général n'est pas satisfait. Il a le sentiment d'avoir perdu la confiance des Français. Cette confiance qu'il considère comme la base des institutions et de la vie politique française. Alors, comment vérifier sa propre légitimité? Comment être sûr que les Français croient en lui et pas seulement en son parti? Comme un réflexe qui se substitue à la réflexion, il sort la carte du référendum, organisé le 27 avril 1969 avec deux questions pour une réponse. Faut-il régionaliser le pays et réformer le Sénat? Deux thèmes bien éloignés des préoccupations du peuple. Le 10 avril 1969 sur France Inter, le journaliste Michel Droit demande au général jusqu'où ira son engagement dans le référendum. Voici sa réponse. De la réponse que le pays fera à ce que je lui demande va dépendre évidemment soit la continuation de mon mandat, soit aussitôt mon départ. Si donc par aventure, c'est bien le mot qui convient. Le peuple français s'y opposait. Quel homme serais-je si je ne tirais pas sans délai la conséquence d'une aussi profonde rupture, et si je prétendais me maintenir dérisoirement dans mes actuelles fonctions? Au contraire, si le pays me donnait son accord, j'en serais puissamment encouragé dans mon intention d'accomplir ma mission jusqu'à son terme. À la tête du pays depuis 1958, le président met donc son mandat en jeu. Stratégie politique, angoisse existentielle, quoi qu'il en soit, la démarche est risquée. Le lendemain de la victoire du non, les Français, stupéfaits de leur propre audace, constatent que leur président est un homme de parole. Charles de Gaulle, le sauveur de la France, le fondateur de la Ve République, le chef de l'État depuis 10 ans, annonce qu'il démissionne. Le président du Sénat, Alain Poher, qui a mené une campagne acharnée pour le non au référendum, devient président de la République par intérim. Comme jamais auparavant, le fonctionnement de la Ve va être mis à l'épreuve par cette situation inédite. La France tombera-t-elle dans le chaos, comme le craint le général de Gaulle ? Rapidement, les Français sont rassurés. La transition se fait sans heurts. Dès son arrivée à l'Élysée, dans sa déesse noire, Alain Poher prend les choses en main. Il apaise les inquiétudes et annonce les dates de la prochaine élection présidentielle, les 1er et 15 juin 1969. La bataille est lancée, il reste un mois pour convaincre les électeurs. C'est court, un mois. Alors, qui veut succéder au général ? Une élection, c'est d'abord un casting qui prend parfois le pas sur le fond, le programme, le projet. Le premier candidat officiel n'a pas attendu l'annonce d'Alain Poher pour se lancer dans l'aventure. Cet homme, c'est Georges Pompidou, le dauphin naturel du général, disent certains. Pourtant, et contrairement aux apparences, De Gaulle et Pompidou entretiennent des rapports complexes. En juillet 68, alors que l'opinion applaudit l'action du Premier ministre face au tumulte de mai, le général le renvoie. L'ingratitude du président blesse Georges Pompidou, dont la rancœur était déjà alimentée par l'affaire Markovic. L'ancien garde du corps d'Alain Delon, qui organisait des parties fines à Paris, est retrouvé assassiné. Alors que le nom de Madame Pompidou apparaît au cours de l'enquête, Charles de Gaulle laisse la rumeur s'étendre sans prendre la peine d'alerter son ancien Premier ministre. Bref, la fidélité de Georges Pompidou à l'égard du président a des limites. Le 17 janvier 1969, il affirme sa volonté d'être candidat si le général de Gaulle venait à se retirer. Or, le chef de l'État n'a pas encore officiellement annoncé qu'il démissionnerait en cas de victoire du non au référendum du 27 avril. Charles de Gaulle est piqué au vif. Dans un communiqué qu'il lit en Conseil des ministres, il remet Georges Pompidou à sa place. Il compte bien finir son mandat. Mais les Français vont en décider autrement, on l'a vu. Le 29 avril 1969, à peine 2 jours après la démission du général, Georges Pompidou annonce officiellement sa candidature à la présidentielle. Le général de Gaulle n'a pas d'autre choix que de le soutenir. L'ancien Premier ministre est un héritier du gaullisme dont il préserve les orientations fondamentales. Mais Georges Pompidou l'a compris. Les Français veulent du changement. Mai 68 et les résultats du référendum l'ont prouvé. C'est ce qu'il explique d'ailleurs à Paul-Marie de la Gorce lors d'une interview à la télé. Et puis, le problème n'est pas de savoir uniquement si moi j'ai changé. Il faut aussi regarder si les circonstances changent, si la France change. Le retrait du général de Gaulle est en lui-même un énorme changement. Et le scrutin du 27 avril a montré aussi, chez les Français, un désir de changement. Eh bien, je ne suis pas, pour ma part, l'homme de l'immobilisme. Je ne crois pas qu'il faille se figer et rester éternellement le même. Je crois au contraire qu'il faut essayer de suivre l'évolution. Je dirais même qu'il faut la précéder et quelquefois l'accélérer pour faire de notre pays un pays moderne et un pays nouveau. Le changement, ce sera l'ouverture. Pompidou obtient le soutien des Républicains indépendants, dirigés par Valéry Giscard d'Estaing, un jeune ambitieux de 43 ans, qui justifie ainsi son ralliement au candidat gaulliste. La première décision, c'est de soutenir la candidature de M. Georges Pompidou à la présidence de la République. C'est le candidat le plus capable et le mieux préparé. Et s'agissant de choisir le président de la République française, c'est évidemment un élément de décision qui doit compter très lourd. Monsieur Pompidou a fait connaître sa volonté de s'engager dans la voie du libéralisme et de la large ouverture politique dont vous savez très bien que nous l'avons réclamé déjà depuis longtemps. Dans la circonstance actuelle, il fallait éviter tout ce qui peut diviser les Français. Ouverture européenne, libéralisme économique, promesses ministérielles, les engagements de Georges Pompidou attirent également une partie des centristes, dont Jacques Duhamel. Continuité, rupture, unité, ce pourrait être le paradoxal slogan du candidat gaulliste qui, pragmatique, n'hésite pas à jouer sur tous les tableaux. À gauche maintenant, on est tous au fini. La démission du général renforce les divisions que mai 68 avait réveillées. D'un côté, les partisans de l'Union de la Gauche, derrière François Mitterrand, qui se sont imposés à la présidentielle de 65. De l'autre, les défenseurs d'une stratégie dite « centriste », incarnée par Gaston Defferre. Le rendez-vous de 69 devient l'occasion de trancher les questions de stratégie. Le 4 mai commence une semaine explosive pour la gauche, qui convoque en urgence un congrès à Alfortville. La SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, fondée en 1905, devient le nouveau parti socialiste. Malgré cette ultime tentative d'unification, la gauche reste morcelée et peine à choisir un candidat qui satisfasse les différents courants de ce nouveau parti. Après un premier vote défavorable, Gaston Defferre, le maire de Marseille, est finalement élu candidat à la présidentielle avec 57% des voix. Pendant ce temps, à Saint-Gratien, François Mitterrand tient un séminaire en faveur de l'Union de la gauche. Il y annonce sa rupture définitive avec la SFIO, désormais NPS, qui, selon lui, prépare insidieusement la voie au centrisme. En 1965, il n'y avait pas de candidat. J'ai fini par l'être. En 1969, il y en a beaucoup. Moi, je ne le suis pas. Je voudrais maintenant qu'on soit vraiment sérieux. La seule force capable de vaincre Georges Pompidou. La seule force, et je ne suis pas présomptueux, je ne dis pas que nous le battrons. Je dis que le seul moyen de le battre, c'est de rassembler les forces populaires. Et il n'y en a pas d'autre. Tout le reste, c'est de l'intrigue. Tout le reste, c'est du petit calcul. Le problème, c'est que depuis la répression soviétique du printemps de Prague, en août 68, les communistes sont devenus infréquentables. Le 5 mai, ils présentent donc leur propre candidat, Jacques Duclos. 1m49 de gouaille du Béarn, une verve populaire percutante et un véritable morceau d'histoire de France. Le dernier homme politique de la 5e a roulé les airs. Enfin, deux autres candidats de gauche se présentent. L'autonomiste Michel Rocard, candidat du PSU, le Parti Socialiste Unifié, et Alain Krivine, très jeune leader de l'extrême-gauche. Divisée, la gauche pourra-t-elle perturber le duel annoncé des deux candidats de droite? Deux candidats, oui, car un adversaire vient défier Georges Pompidou. Cet homme, c'est le chef de l'État par intérim, Alain Poher. Dès l'annonce de la démission du général de Gaulle, les sondages le suggèrent, Alain Poher pourrait être la figure du changement que les Français attendent. D'autant que l'homme est modéré. Du changement, oui, mais calmement, dans la conciliation. Un bon vieux centrisme que certains appellent de leur vœu, comme le jeune Dominique Baudis, secrétaire des jeunesses du Centre démocrate. En effet, nous ne pouvons pas nous satisfaire du résultat de l'action gouvernementale de M. Pompidou. M. Pompidou, avant de faire des promesses aux Français sur son action future, devrait leur rendre des comptes sur son action passée. Il se présente aujourd'hui comme la meilleure solution au problème qu'il a lui-même créé, mais qui nous dit que demain, le même homme, s'il était élu, ne commettrait pas les mêmes erreurs. Ce que les Français veulent, c'est le changement de politique et le changement dans le calme. Par son intérim, Alain Poher assure le calme, la sérénité et la réflexion. Et par sa candidature, il offre le changement, c'est une chance à ne pas manquer, et en particulier pour les générations nouvelles qui ont la possibilité aujourd'hui, face à un homme de dialogue qu'est Alain Poher, d'être considérés comme des partenaires. Pendant la première quinzaine de mai, les chiffres ne cessent d'augmenter. Poher l'emporterait contre Pompidou au second tour. Oui, à ceci près qu'il n'est pas candidat. Et plusieurs fois il l'affirme, il n'a pas d'autre ambition que de mener à bien sa mission présidentielle provisoire. Mais face à l'implosion de la gauche, les centristes, eux, y croient. Pressés par ses proches et par l'opinion, Poher se laisse désirer. Un courant de sympathie se propage en sa faveur, tant et si bien que le 7 mai, il déclare « Je ne suis pas candidat, je ne souhaite pas l'être, mais j'y serai peut-être obligé. » Alain Poher doit être comme Oscar Wilde, il résiste à tout, sauf à la tentation. Et donc, à peine 5 jours plus tard, il cède. Monsieur Alain Poher, 5e leader politique, candidat à la présidence de la République. C'est un communiqué de 3 phrases que le porte-parole du président de la République par intérim, monsieur Pierre Bordry, a lu aux journalistes réunis dans la salle René Coty du Sénat. Il était 17h05. Écoutez. Je suis en mesure de vous annoncer que monsieur Alain Poher accepte d'être candidat à l'élection présidentielle. Il place sa candidature sous le signe de l'union et de la réconciliation des Français. Rien ne sera changé en ce qui concerne l'intérim de la présidence de la République. Étrange démarche que de faire dire par un tiers qu'on accepte bien malgré soi d'être président de la République. Pour créer le désir, on fait mieux. Le 13 mai, la liste des candidats à l'élection présidentielle de 69 est close. Georges Pompidou, Alain Poher, Gaston Defferre, Michel Rocard, Jacques Duclos, Alain Krivine et un petit invité surprise, l'original Louis Ducatel, self-made man et peintre de son état. Dans un mois, l'un de ces 7 hommes sera élu président de la République. Une légitimité démocratique que personne n'a jamais occupée sous la 5e République, en dehors du général de Gaulle, bien sûr. Ainsi donc, la campagne peut commencer. Campagne présidentielle, officiellement lancée le 14 mai 1969, prend rapidement la forme d'un duel. Les 2 favoris, Georges Pompidou et Alain Poher, s'affrontent par intervention télévisée et par communiqué. Pourtant, leurs programmes ne divergent pas tant que ça. À tel point que les 2 hommes ne cessent de s'accuser. Ils me copient, mais non, c'est lui, se plaignent-ils, sans arrêt. Ce qui les distingue, c'est leur vision du rôle présidentiel et de la 5e République. Pour le reste, ils sont sur la même longueur d'onde. préfiguration de ce qui sera un axiome sous la Ve République. Le centre et la droite sont des alliés naturels. Oui, à une exception près, au soir du grand soir d'une présidentielle, le candidat centriste se rallie toujours à celui de la droite. Et en 1969, il y a encore un débat sur la nature du régime mis en place par le général de Gaulle. Alain Poher ne l'a jamais soutenu. Il fait même un aveu assez ironique pour un candidat à la présidentielle. Lors du référendum de 1962, il a voté contre l'élection du président de la République au suffrage universel. Pour lui, le seul gouvernement est celui du Premier ministre, donc des assemblées. Cette constitution doit donc être appliquée fidèlement, sans interprétation personnelle, comme sans déviation implicite. Elle fait du président de la République un garant, un arbitre et, à mon sens, un animateur. Il n'y a pas deux gouvernements, l'un à Matignon, l'autre à l'Élysée, mais un seul, celui du Premier ministre qui a pleine initiative pour appliquer la politique souhaitée par la nation. Le fantôme de la 4e République plane sur la campagne d'Alain Poher, d'autant plus dangereusement que cette conception déteint sur sa stratégie de campagne. Poher reste discret, trop discret. Ses interventions médiatiques sont molles, hésitantes. Par deux fois, il refuse même de répondre aux traditionnelles questions des auditeurs d'Europe 1. Parce que Poher est mal à l'aise et il manque d'autorité. Ses troupes, trop disparates, sont désorganisées. Et il se met lui-même des bâtons dans les roues. Pour séparer le président intérimaire du candidat, il décide ainsi de ne pas participer à aucun meeting ni invitation officielle. Pendant ce temps, Pompidou quadrille la France, 44 villes en 11 jours. Il n'appuie pas sa campagne sur son parti, l'UDR, mais sur des comités de soutien locaux, autonomes et indépendants. Une stratégie très efficace, doublée d'un budget conséquent, 30 millions de francs, le double de Poher. Parmi les collaborateurs du candidat, Michel Bongrand, un publicitaire et communicant avisé. Car Pompidou a pris conscience, avant l'heure, de l'importance d'une communication bien rodée. Ses apparitions télévisées sont percutantes, bien qu'il se veuille pondéré. Mais il l'a compris, la télévision est devenue le média par excellence de la présidentielle. Il n'hésite donc pas à utiliser pleinement son temps d'antenne. Sur les plateaux télé, lui est à l'aise. Et il insiste sur son efficacité, sa compétence, son pragmatisme. Je crois pouvoir parler d'efficacité en ce qui me concerne parce que j'ai une large expérience de la vie. J'ai été fonctionnaire, j'ai été universitaire, j'ai été dans les affaires privées et puis j'ai été tout de même 6 ans au gouvernement et le simple fait de pouvoir y rester 6 années prouve que tout de même je ne devais pas avoir si mal réussi. J'y ai porté ce goût que j'ai des choses réelles, des choses pratiques. Et lorsque sont arrivés les troubles de mai, j'ai aussi, me semble-t-il, montré que je pouvais résister à la tempête et à l'émeute de façon convenable, de façon efficace. Alors oui, je crois pouvoir parler d'efficacité sans aucune vanité, croyez-le bien. Pompidou joue l'homme d'État expérimenté qu'il est d'ailleurs, tout en rappelant, quand il le peut, qu'il est un homme comme les autres. La personnalisation du pouvoir que défend le gaulliste s'accompagne d'un phénomène encore nouveau, la pipolisation, par le biais des magazines dans lesquels Pompidou affiche sa vie privée, par exemple. Le candidat accueille ainsi des photographes de Paris Match dans son domaine de Cajard, en tenue décontractée, pull et pantalon de velours, il donne du bibiche à sa femme devant les caméras. Cet homme est moderne, le premier des modernes sous la 5e. Pompidou Poher, bonnet blanc sur le fond, mais deux styles, deux campagnes sur la forme. Une différence fondamentale en ces temps où la politique spectacle se dessine. Le 1er juin 1969, les résultats du premier tour tombent. 44,6% des suffrages pour Georges Pompidou, 23,3% pour Alain Poher, 21,3% pour Jacques Duclos, le communiste, 5% pour Defferre, le socialiste, 3,6% pour Rocard, l'autonomiste, qui se fait connaître du grand public et dont l'intelligence interpelle, 1,2% pour Louis Ducatel, dont tout le monde s'affiche, et 1% pour Alain Krivine, dont personne ne comprend le discours révolutionnaire, à part peut-être les enfants perdus de mai 68. Tout de même, ces résultats du premier tour sont surprenants. Un moment favori, Poher arrive loin derrière son adversaire. Quant au troisième homme, ce n'est pas de fer, mais c'est Duclos, le candidat communiste. La gauche s'est heurtée à l'un de ses vieux démons, le rôle du président de la République. Tandis qu'une partie de la SFIO s'y portait de fer, qui souhaitait jouer le jeu de l'élection présidentielle et de la Ve République, l'autre s'y refusait. Certains partisans d'un retour au parlementarisme ont même soutenu tacitement Alain Poher. Cette hésitation, les Français l'ont senti. Defer lui-même n'est pas parvenu à assumer ses positions. Pendant la campagne, il a brouillé les pistes en appelant à l'aide Pierre Mendès-France, figure de la 4e République, chantre de l'honnêteté, l'homme qui a refusé les institutions de la 5e jusqu'à ne pas y participer, sauf avec Defer. Enfin, c'est ce qu'affirme le maire de Marseille. Dans notre conception, la totalité des pouvoirs n'est pas entre les mains du chef de l'État. Le gouvernement doit jouer son rôle. C'est lui à qui il appartient de déterminer et de conduire la politique de la nation. Et c'est pourquoi j'ai demandé à M. Pierre Mendès-France de bien vouloir être ici aujourd'hui. Il a annoncé tout à l'heure qu'en accord avec moi, il acceptait d'être le Premier ministre du gouvernement qui sera constitué si je suis élu. Ainsi, les Français sauront quelle politique sera faite pour résoudre les problèmes qui se posent à nous. Alors, qui du président ou du premier ministre dirigera la France? Les électeurs n'aiment pas beaucoup les questions sans réponse. En tout cas, pour la gauche, le verdict est terrible. Jacques Duclos, au contraire, a su convaincre les Français par sa résolution et son énergie. Alors que les sondages annonçaient un désastre, le candidat communiste n'a eu de cesse de marteler son message avec habileté et conviction. Les hommes qui sont dissimulés derrière le gouvernement, derrière le Parlement, qui tirent les ficelles, ce que l'on appelait hier les 200 familles, les hommes des monopoles capitalistes, les détenteurs de la véritable puissance capitaliste, ceux-là, ils doivent examiner le jeu électoral avec beaucoup de tranquillité, ils doivent se dire, si Pompidou gagne, nous gagnons, et si Poher gagne, nous gagnons aussi. Par conséquent, pour nous, il n'y a pas de différence entre ces deux candidatures qui ont pour objet de présenter deux variantes d'une même politique. En tout cas, pour ma part, j'ai conscience, face aux candidatures de puissance d'argent que je combats, d'être le candidat du peuple. Et Jacques Duclos multiplie les formules qui font mouche, celles qui marquent les esprits mieux qu'un long discours, dont la fameuse Pompidou et Poher, ses bonnets blancs et blanc-bonnets. Quant au score de Michel Rocard, qui frôle les 4%, il est prometteur. Sans expérience parlementaire ni ministérielle, il n'est encore qu'un inconnu pour les Français. Un mois avant le 15 juin, les sondages annonçaient 1% d'intention de vote. Lui aussi a su séduire et prendre date. En revanche, les résultats d'Alain Poher sont très décevants. Seuls 21% des électeurs ont voté pour le président intérimaire. Alors que ses adversaires l'appellent à se retirer, considérant ce score comme un désaveu, eh bien le candidat se métamorphose. Autrefois timoré, désormais il est vindicatif et il le clame haut et fort, il est décidé à se battre jusqu'au bout. Ainsi, Poher répond-il ardemment aux attaques qui le visent, et notamment à celles qu'il accuse d'avoir été un faux résistant pendant la guerre. Il fustige le système gaulliste dont il dénonce les relents fascistes en matière de liberté d'expression. Le changement de ton est déconcertant, mais finalement peu crédible, parce qu'en politique, après l'heure, ça n'est plus l'heure. On a voulu que je me retire au deuxième tour, que je me désiste, que j'abandonne la partie. J'avoue que je n'ai rien compris. Puisque j'avais eu la chance d'être le deuxième, d'être celui qui devait combattre pour porter le témoignage, quel que soit le pourcentage que j'avais eu, j'aurais été un véritable traître. Si j'avais abandonné le combat, j'avais apporté un message, et c'est ça que je voulais dire. Ce dernier sursaut n'inquiète pas Pompidou. Il sait que la gauche n'apportera pas à Poher le soutien dont il a besoin. Jacques Duclos, qui qualifie les deux candidats de frères siamois, appelle ouvertement à l'abstention. Rocard, Krivine et une partie du Parti Socialiste appellent eux aussi au boycott du vote. De son côté, le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour inciter les Français à aller aux urnes. Le jour d'ouverture de la pêche, qui devait tomber le 14 juin, est avancé d'une semaine. On change même l'heure d'arrivée des 24 heures du Mans, le jour du scrutin. Vaine tentative. Le 15 juin, l'abstention s'élève à 31%. Et Georges Pompidou est élu face à Alain Poher par 58,2% des suffrages. Avant même, d'ailleurs, que les résultats définitifs ne soient annoncés, il prononce un discours victorieux. Voici moins de 7 années que le peuple français décidait par référendum de choisir désormais le président de la République directement au suffrage universel. Le scrutin d'aujourd'hui me paraît d'abord constituer une consolidation et je dirais même une consécration de cette grande réforme que nous devons, comme beaucoup d'autres, au général de Gaulle. Cette journée du 15 juin est une victoire de la Ve République. Le deuxième épisode du feuilleton présidentiel s'achève donc ce 15 juin 1969. Les électeurs ont vécu un mois de rebondissements et de retournements de situation plus ou moins spectaculaires. Et au bout du compte, alors qu'ils souhaitaient le changement, c'est un gaulliste qui était élu. La gauche socialiste, elle, est à l'agonie. Le communisme, contre toute attente, résiste. Si la Ve République a survécu au général de Gaulle, cette élection présidentielle signe la fin du gaullisme tel qu'il avait pris forme avec son géniteur. L'ouverture dans la continuité, c'est le mot d'ordre de Pompidou qu'il a défini pendant toute sa campagne. Un exécutif fort, certes, mais aussi une majorité de gouvernement façonnée par l'ouverture politique, économique, européenne. Le 20 juin 1969, Georges Pompidou annonce la composition de son gouvernement. Valéry Giscard d'Estaing, républicain indépendant et ministre de l'économie et des finances. Les centristes, eux, obtiennent l'agriculture, la justice et le travail. Le pari de l'unification des droites a payé, chacun y trouve son compte. À gauche, on en prend de la graine. L'humiliation que Defer vient de subir est un électrochoc. Alors maintenant c'est clair, pour sauver les meubles et ensuite renaître, il faut s'engager sur la voie de la rénovation et s'adapter à la Ve République. Pendant que Georges Pompidou s'installe à l'Élysée, Mitterrand dénonce l'assassinat de la gauche lors d'une conférence de presse. Je ne suis qu'un des millions de Français qui veulent que la gauche socialiste qui veulent que la gauche de la démocratie socialiste revive, reprenne son rang, redevienne force et puissance, équilibre la société française. C'est donc aujourd'hui, après quelques semaines de silence, pour moi l'occasion de vous dire que je reprends le combat. L'élection présidentielle de 1969, 2 ans avant la création du Parti Socialiste dont François Mitterrand deviendra le premier secrétaire, constitue sans doute une étape douloureuse mais nécessaire de la recomposition de la gauche sous la Ve. Elle portera ses fruits en 1974 sous la forme d'une défaite prometteuse de François Mitterrand, puis elle enfilera les habits de la victoire 7 ans plus tard avec le même homme, avant de connaître le même sort qu'en 69, le 21 avril 2002. Alors, jamais 203, comme on dit. Réponse dans 45 jours. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il a vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? L'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom Bonnie Parker et Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clara. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi? On prétend que nous tuons de sang-froid. C'est pas drôle, mais on est bien obligé de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'élection présidentielle de 1969, une émission préparée par Jeanne Maillère. Bienvenue à bord. Notre invité aujourd'hui, Christian Delporte, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes un historien, spécialiste du XXe siècle, directeur de la revue Le Temps des médias. Vous avez consacré plusieurs ouvrages au rôle de l'image, de la communication en politique, des médias. On y reviendra parce que l'élection présidentielle de 69, me semble-t-il, jette les bases de la politique mise en spectacle aussi. Alors, d'abord, est-ce qu'on peut dire d'un point de vue purement politique que l'élection de 69 met fin à ce qu'on pourrait appeler le gaullisme chimiquement pur, celui du général de Gaulle? Il laisse surtout une hypothèque, parce qu'on pensait que les institutions de la Ve République étaient faites pour le général de Gaulle, ce qui est un peu vrai, mais qu'elles ne survivraient pas au général de Gaulle. Et l'élection de Georges Pompidou nous montre rigoureusement le contraire. Alors évidemment, c'est pas le même personnage. Georges Pompidou n'a pas la légitimité historique, n'est pas la statue du commandeur qu'était le général de Gaulle. C'est un homme simple, c'est un common man, c'est un homme ordinaire. Mais précisément, il nous montre que la grande réforme de l'élection du président de la République au suffrage universel de 62 permettait la poursuite, la prolongation des institutions de la Ve République. Et ça fait 60 ans que ça dure, enfin presque. Aujourd'hui encore, certains hommes politiques de droite se réclament du gaullisme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement être gaulliste aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé depuis de Gaulle, Pompidou, après il y a eu les néo-gaullistes, l'UDR, le RPR surtout, l'UMP ensuite, après il y a eu Nicolas Sarkozy. C'est quoi être gaulliste aujourd'hui? C'est de Gaulle disait tout le monde a été, est ou sera gaulliste. Ça ne veut plus dire grand-chose. De Gaulle appartient à l'histoire. C'est quand même une certaine idée de la France, une certaine idée de l'indépendance de la France. C'est une idée également que l'État doit agir, doit avoir des manettes qui lui permettent de faire évoluer les choses dans le pays. Alors, Georges Pompidou est très différent, on l'a dit, du général de Gaulle. Il y a un côté moderne chez lui. C'est un homme moderne, Georges Pompidou. Il est complètement ouvert à ça, et même dans sa vie privée, au-delà des photos. C'est un passionné d'art moderne, un bourbourg, il n'y a pas plus moderne. Il est même avant-gardiste, Pompidou. Il l'est un peu dans sa politique. Oui, c'est un homme de culture, c'est un homme d'innovation. C'est l'homme, il adore la voiture, il adore les autoroutes. C'est pas lui qui avait dit, mais que voulez-vous, les Français, la bagnole? Oui, absolument. Donc, à la fois, il est conservateur au sens où il veut que les institutions restent, mais il veut faire bouger la France, et bouger la France avec toute une série d'innovations qui tiennent à l'économie, qui tiennent au développement du territoire, qui tiennent à l'agriculture aussi. Et dans les discours qu'il tient aux agriculteurs pendant la campagne, il leur dit, bon, tout ça c'est très bien, mais il va falloir bouger. Il a ce côté à la fois urbain et rural aussi. Il a réussi à incarner ces deux France quand on le voit. Bon, il est né à Montboudif, dans le Cantal. Après, il a élu domicile à Cajard, dans le Lot. Il s'y montre et en même temps, c'est un urbain. Il a les deux, quoi. Oui, enfin, c'est surtout un citadin, mais c'est quelqu'un qui est capable de parler aux paysans, de s'installer à une table de café avec son éternel Winston à la bouche et de discuter autour d'un verre avec les agriculteurs. Et il connaît très bien l'agriculture, donc il sait de quoi il parle. Et ça n'est pas forcément le cas de tous les autres candidats. Il a quand même assez remarquablement géré l'affaire de mai 68. Est-ce que son élection est due à la façon dont il s'est débrouillé dans ce qui était quand même un bourbier politique? Oui, l'opinion retient surtout que l'homme qui a réussi à à résoudre la crise, c'est Georges Pompidou. Cela dit, bon, c'est vrai qu'il a 57,5% à l'arrivée, mais ça n'était absolument pas évident. Parce qu'on sortait quand même d'un référendum que le général de Gaulle avait perdu, et Georges Pompidou était l'héritier du général. Et ce que craignait par-dessus tout Georges Pompidou, c'était un front tout sauf Pompidou. C'est pourquoi il était aussi essentiel d'avoir l'appui de Giscard d'Estaing et des centristes, comme Duhamel, comme Fontanet, comme Pleven. Que se passe-t-il pour la gauche qui, en 65, mais c'est vrai que 65, pardon pour la palissade, mais c'est avant 68, et ça veut dire beaucoup de choses là. En 65, la gauche réussit un exploit, François Mitterrand met le général de Gaulle en ballotage. 4 ans plus tard, cette gauche-là n'est même pas au second tour. Qu'est-ce qui se passe? Et entre-temps, il y a eu un autre événement, ce sont les législatives de 67, où la majorité sortante n'a sauvé sa majorité que de quelques sièges. C'est-à-dire que toutes les planètes, là, étaient alignées. Alignées, voilà. Et puis, il y avait 68. Et une responsabilité, sans doute, de François Mitterrand, qui n'a pas vu arriver 68, qui ne l'a pas compris, et qui fait, le 28 mai, une déclaration sur la vacance du pouvoir, qui a d'ailleurs été approuvée par ses amis socialistes, et qui dit, bon, puisqu'il y a vacance du pouvoir, je vais me présenter à la présidence de la République. Sauf que 2 jours après, il y a le 30 mai 68, il y a le retour du général de Gaulle, et c'est une catastrophe pour Mitterrand. Avec les législatives de juin 68, où la gauche non communiste se retrouve avec la moitié des sièges qu'elle avait en 1967. Qui en est responsable? C'est François Mitterrand, qui est devenu un vrai pestiféré dans son camp. Et qui est donc empêché de se présenter en 69. Il n'est pas en situation, c'est clair. Il n'est pas en situation, et d'ailleurs les sondages disent qu'en gros il est à 15%. Les communistes résistent bien, pourtant, je disais, ils devenaient infréquentables, puisqu'il y a eu le coup de Prague, bon, il y a eu Budapest avant, en 56, après il y a eu le coup de Prague, et bien il fait quand même, Jacques Duclos, 21%. C'est énorme. Oui, alors, sur le papier, 21%, c'est à peu près ce que représente le Parti communiste lors des législatives. Mais les communistes sont persuadés que la présidentielle, c'est pas pour eux. Et ils sont eux-mêmes surpris, parce qu'au tout début du mois de mai, dans les sondages, ils sont donnés à 10%. 21%, c'est un grand exploit. C'est un exploit personnel également de Jacques Duclos, qui est quand même la grande figure historique du Parti communiste à cette époque-là. On se souviendra quand même qu'il est député depuis 1926, il y a 73 ans, qu'il a été vice-président de l'Assemblée, de la Chambre des députés avant-guerre, en 1936. Donc il a un long parcours, c'est une figure respectée, c'est un stalinien assumé aussi, et c'est quelqu'un qui est très apprécié dans le monde ouvrier à cette époque-là. Le monde ouvrier vote pour le Parti communiste. Mais très souvent, l'ouvrier vote aussi pour le général de Gaulle. C'est-à-dire qu'il a un homme qui est le général de Gaulle, et il a des idées, des convictions qu'il va porter avec son vote pour le député du côté du Parti communiste. On remarque également, et c'est la dernière fois dans une présidentielle, peut-être avant celle-là, hein, qu'il y a un débat sur la nature du régime. C'était pas du tout le cas en 74, c'était pas le cas en 81, ni en 88, et puis les élections qui ont suivi, voilà, on est dans la cinquième, point. Là, il y a des relents de quatrième, notamment portés par Alain Poher. Oui, et en grande partie parce que on pensait que les institutions étaient faites pour le général de Gaulle. Et Alain Poher, c'est quand même un homme de la quatrième République. Il a d'ailleurs été ministre éphémère de la quatrième République. Et d'ailleurs, on dit, s'il est président de la République, ce sera un nouveau René Coty. Ouais. Alors, quelques mois plus tard, et on va passer à un autre chapitre. Quelques mois plus tard, le 17 février 1970, donc Georges Pompidou est élu depuis un peu plus de 6 mois, Jacques Duclos et Michel Debré sont les premiers invités de l'émission intitulée « Armes égales » à la télé. Hein. Alors, elle instaure le duel politique, une nouveauté qui marque le renouveau de la communication politique en France. Et voilà comment le journaliste Michel Bassy, accompagné d'Alain Duhamel, présente l'émission. Voici donc la première d'Armes égales. C'est un face-à-face, mais ce n'est pas un face-à-face comme les autres. Monsieur Michel Debré et Monsieur Jacques Duclos, qui sont ici ce soir, ne vont pas se contenter de présenter oralement leurs arguments. Ils vont également vous présenter leurs idées en images. Pour cela, depuis un mois environ, ils ont travaillé chacun à la réalisation d'un film, leur film. Le problème pour eux était difficile, car ce ne sont pas des cinéastes, et il s'agissait d'adapter leur langage, qui est un langage d'homme politique, au cinéma. Vous allez donc voir dans un instant leur film. Auparavant, un mot de l'émission. Elle se déroulera, si vous voulez, en 3 rounds. D'abord, les films, puis ensuite un débat de type classique. Et enfin, les 30 personnes qui sont ici autour des tables que vous voyez poseront à l'un et à l'autre des deux protagonistes une série de questions. Voilà, on voit bien que là, il y a la mise en scène de la politique qui nous renvoie aujourd'hui, souvenez-vous, des primaires où on voyait les candidats en situation comme des footballeurs dans un vestiaire, c'était parfaitement ridicule. Ça devient, on a atteint des niveaux assez ridicules aujourd'hui. Ça commence là, avec la 69. Ça commence, et ça commence en grande partie grâce au Premier ministre de Georges Pompidou, qui est Jacques Chaban-Delmas. Ouais. Hein, c'est lui qui veut libéraliser l'ORTF, parce que il faut bien dire que la télévision et la radio sous le général de Gaulle, c'était quand même des médias aux ordres. Et d'ailleurs, les Français ont été persuadés, les sondages nous le disaient. Bon, là, armes égales, c'est un symbole de libéralisation. On prend acte que l'opposition doit pouvoir prendre également la parole et l'affrontement entre la gauche et la droite, Debré, Duclos, se révèle à travers ces débats de armes égales. Ce qui est, juste un mot d'armes égales, c'était quand même extrêmement moderne par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça commence par un sondage. Ouais. Ensuite, il y a un film. Le film, ça c'est très original. Le débat lui-même, en tant que tel, n'occupe pas une grande partie de l'émission. Mmh. Et à la fin de l'émission, vous avez un panel de téléspectateurs sélectionnés par la Sofresse qui posent des questions. Ça nous rappelle quand même des choses. Giscard d'Estaing, lors de la prochaine campagne, en 74, lui aussi a montré pas mal de talent hein, pour la mise en scène. On l'a vu jouer au football, on l'a même vu le torse nu dans le vestiaire. Jouer de l'accordéon avec Yves Turner. Il jouait de l'accordéon. Bon, Giscard a poussé, c'est lui qui a vraiment poussé cette logique jusqu'au bout pour cette époque-là. Oui, Georges Pompidou l'a amorcé. C'est ça. En apparaissant dans Paris Match, dans Jour de France. Il y a notamment une émission en 70, au même moment que la première émission d'Armes Égales, une émission de Pierre Desgroupes, qui s'appelle, j'ai oublié le nom, ou peu importe. C'est un reportage sur Georges Pompidou à Cajar avec sa femme. Et on découvre Georges Pompidou pouponnant avec ses petits-enfants. On le découvre en train de jouer au baby-foot. Voilà, merci. Et il y a, oui. un autre reportage, il est à Paris, chez lui. Et on le voit, il rentre d'une journée de travail. Alors, il est déjà président. Il rentre, il voit sa femme, c'est là qu'il lui donne du bibiche. C'est ça, absolument. Et on imagine évidemment pas ça avec le Gérald de Gaulle étant Yvonne. C'était absolument impossible. Et ça montre à la fois la modernité et la proximité recherchée de Georges Pompidou, qui est ensuite prolongée par Giscard d'Estaing. Donc, il faut bien le dire, le modèle, c'est Kennedy. Ouais, voilà. Donc, il implique dans sa campagne ses enfants, ses deux filles et même ses deux fils. Puisque vous parlez de campagne, je remarque quand même qu'en deux semaines, Georges Pompidou a pris le large devant Alain Poher. Avant, ils étaient au coude à coude, deux semaines, c'est rien. Alors, dans une campagne normale, si j'ose dire, je vous dirais que c'est pas possible. Parce que, normalement, la cristallisation de l'électorat se fait, grosso modo, dans la deuxième quinzaine de février. Et puis, il y a le poison des divisions, comme d'habitude. Là, c'est le cas à gauche. Et on va écouter une déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Il était membre du PS et ministre délégué à l'enseignement professionnel. Lorsqu'il a prononcé les paroles que vous allez entendre, c'était lors d'un meeting de soutien au candidat Jospin, avant la présidentielle de 2002 et cette fameuse accession de Jean-Marie Le Pen au second tour. Moi, je n'aime pas les comportements sectaires. Je trouve que ce sectarisme de l'extrême gauche qui consiste à dire c'est ou moi ou rien, je trouve que c'est stérile, ça ne débouche rien. Ils ont le droit d'avoir leur opinion, d'aller à des élections, mais il faut aussi savoir à un moment donné se rassembler. Sinon, il n'y aura jamais de gauche au pouvoir, il n'y aura jamais de progrès de gauche. Bon, je sais, c'est souvent un peu cruel hein, de repasser les déclarations d'hommes politiques quelques années avant quand on entend ce qu'on entend aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, bien sûr. C'est très particulier l'élection présidentielle. C'est la rencontre entre un homme et un peuple. C'est d'ailleurs pour ça que ça intéresse autant les Français, parce que les choix sont clairs. C'est rarement, si on voit ça sur toute l'évolution historique, c'est rarement le choix d'un programme, contrairement à ce qu'on croit. C'est d'abord le choix d'un homme et la confiance que l'on peut qu'on peut lui faire à travers sa crédibilité, sa proximité, la sympathie qu'on peut avoir pour lui. Et évidemment, le choix des Français est plus simple que des élections européennes où on ne comprend pas très très bien finalement à quoi ça peut servir. Et on n'a pas le sentiment que ce besoin d'un peuple de se trouver un père, un chef, un protecteur, un grand frère, ce que vous voulez, ça, quelque chose de relativement immature, et que les régimes parlementaires, de ce point de vue, qui diluent beaucoup plus le pouvoir, sont plus mûrs. Nous sommes une exception quand même en Europe de ce point de vue. C'est-à-dire, personne en Europe n'élit, ou en tout cas aucune grande démocratie n'élit un président de la République qui sera maître seul à bord. C'est complètement inimaginable. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que les Français aiment la politique, aiment le débat politique, mais n'aiment pas les politiques ? Ah, qu'ils n'aiment pas les politiques, c'est sûr, puisque cette grande enquête du CEVIPOF nous montrait que dans toutes les institutions françaises, les partis politiques arrivaient en dernière position, 12% de confiance, c'est quand même très très peu. En revanche, c'est vrai qu'ils aiment la politique, peut-être parce qu'on est un pays latin, peut-être parce qu'on a une histoire très riche, et peut-être parce que le débat est clair. Bien, merci beaucoup, Monsieur Laporte, Christian Laporte, pour vos éclairages sur cette campagne électorale de 1969 et l'élection de Georges Pompidou. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, donc, la présidentielle de 69, émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.